Bonjour, si vous allez à la vidéo précédente que je viens de publier, vous avez un lien par rapport à un nouvel entretien avec David Lévesque. Dans cette vidéo-là, bon, je dis qu'il y avait quelque chose dont je voulais parler, puis ça m'était reparti tout de suite. Et bien, c'est revenu tout de suite après. Donc, je me suis dit, je vais faire un audio. Donc, aussi, l'entretien avec David Lévesque, il y avait à un moment donné, on entend d'un haut-parleur des cloches d'église vers la fin. Je me suis informé, puis ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y a possiblement eu un mauvais contact électrique parce qu'il était quand même assez tard là, quand c'est arrivé, puis il n'y avait personne. Puis ça s'est mis à sonner. Ben, c'est des choses qui arrivent, hein, c'est peut-être l'humidité. Donc, j'avais parlé dernièrement, à un moment donné, j'en ai fait mention plusieurs fois, s'il y a de l'émotionnel dans le mental, s'il y a de l'émotionnel dans le mental, on perd de l'énergie vitale. Puis c'est quelque chose qu'on peut voir d'une façon concrète, au niveau de la pratique, d'une pratique en temps réel. C'est-à-dire que si au niveau des formes dans votre mental, ça se densifie en étant chargé par de l'émotionnel, c'est-à-dire, si on peut dire, même avant la forme là, de l'énergie psychique, bien, on perd la force vitale. C'est pour ça qu'il était question, jusqu'à un certain point, là, on ne parle pas de certains corps subtils comme ils ont été parlés, mais si on parle juste le mental, le vital, l'émotionnel, bon, il faut qu'il y ait un alignement. La fusion, ça ne sera pas entre ces corps-là qui s'interpénètrent, au contraire, il ne faut pas que ça arrive. Il faut que ces choses-là restent séparées les unes des autres, mais que ce soit aligné. À ce moment-là, il y a un phénomène qu'on pourrait appeler un petit peu le rayon. Donc, si vous avez de l'émotionnel, puis ça, comme je vous dis, c'est une pratique, vous pouvez le voir par l'observation en temps réel. Si vous avez de l'émotionnel dans le mental, vous allez perdre la force vitale. Ça va vous prendre de l'énergie, comme quelqu'un, par exemple, qui angoisse puis qui se casse la tête. D'un autre côté, si vous envoyez du mental dans le vital, là, il y a un risque de somatisation. Puis ça peut même finir par des maladies. Au fond, ce sont des choses, c'est une mécanique assez simple. Mais ça devient subtil parce que c'est des choses qui sont très difficiles à voir. Puis au fond, c'est très simple. Le problème, c'est que le corps mental, en tant que mental inférieur, ne peut pas s'augmenter par lui-même. Donc souvent, s'il y a du mental dans le vital, vous allez quand même avoir plus d'énergie. C'est-à-dire que au niveau de l'émotionnel, s'il n'y a pas de forme, vous allez augmenter un petit peu votre énergie psychique. Comme par exemple, là, on peut voir ça comme si vous envoyez du mental dans l'émotionnel, mais que ce n'est pas au niveau de densifier des formes, bien, vous allez briser des formes, puis vous allez avoir de l'énergie qui est réacheminée à travers l'ego. Donc, vous allez récupérer de l'énergie parce que vous réglez des conflits. Un peu le contraire d'une somatisation. Donc, du mental dans le vital, ça peut engendrer plus d'énergie. Du mental dans l'émotionnel, ça peut engendrer plus de vital parce que là, on brise des formes, entre autres. De l'émotionnel dans le vital, ça va abaisser le corps mental. Ça, je le dis par expérience. De l'émotionnel dans le mental, ça va baisser la force vitale. Ça aussi, je le dis par expérience, par pratique. Du vital dans l'émotionnel, ça peut engendrer encore moins de mental, puis du vital dans le mental, ça peut augmenter l'énergie psychique si on brise des formes. Mais là, comme vous voyez, il est possible d'avoir plus d'émotionnel, il est possible d'avoir plus de vital, il est possible de perdre du mental, il est possible d'avoir moins de vital, il est possible d'avoir moins de force mentale, puis il est possible d'avoir plus d'émotionnel, c'est-à-dire en tant qu'énergie psychique. Mais il n'y a aucune façon d'augmenter le mental inférieur, à moins là, d'entrer dans ce qui a été appelé le mental supérieur. Donc, c'est là qu'à un moment donné, que on n'aura pas le choix, là. Il y en a qui n'auront pas le choix, ça va être une question de survie. C'est-à-dire, soit il va y avoir un affaiblissement à travers les structures psychiques, au point où le corps vital, puis, va s'affaiblir. Il y a des mécaniques qui mènent souvent vers une dégénérescence, ou même au niveau là, d'une perte d'énergie psychique vers de la dépression, et puis le corps vital va suivre. Mais le corps mental, ça ne peut pas s'augmenter en énergie sans une structure plus haute. C'est impossible sans une structure plus haute. Parce que juste cette structure de base-là, le vital, le mental, l'émotionnel, si c'est en circuit fermé, il faudrait qu'il n'y ait eu aucune altération au niveau du mémoriel expérimental de l'individu. Et puis ça, c'est impossible. Pour que ça reste sain, là, c'est impossible au niveau d'une vie humaine, au niveau de l'expérimental, de ne vivre aucune altération au niveau d'enregistrement d'expérimental dans le mémoriel. C'est pour ça que va devenir nécessaire des structures plus hautes. Puis encore là, on en reparlera plus tard, mais c'est des choses qui sont visibles au niveau d'une pratique et qui sont extrêmement concrètes. Même il y en a, bon, on pourrait donner le nom à ça, on pourrait voir ça comme faisant partie de ce qui a été appelé la psychologie évolutionnaire, entre autres. Donc, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Bonne journée à vous.